c'est l'heure. J'ai froid. Il fait quel temps aujourd'hui? Il y a du soleil, il fait beau, mais pouf, il fait froid. Il fait moins 5. Et il y a du vent. Bon, c'est normal. C'est l'hiver. Close to me, qu'est-ce que je mets aujourd'hui? Ah oui, c'est bien. Un costume gris en laine et mon manteau noir. C'est parfait.